que le Saint-Père ne s'en prive guère. Pourquoi donc ne le boirait-elle pas, puisque le Saint-Père ne s'en prive pas? La papille au caraco rouge boit le vin blanc et ne crache pas sur le rouge. Pourquoi donc ne le boirait-elle pas, puisque le Saint-Père ne s'en prive guère? Pourquoi donc ne le boirait-elle pas, puisque le Saint-Père ne s'en prive pas? La papille au caraco rouge boit le vin blanc et ne crache pas sur le rouge. Pourquoi donc ne le boirait-elle pas, puisque le Saint-Père ne s'en prive guère? Pourquoi donc ne le boirait-elle pas, puisque le Saint-Père ne s'en prive pas? La papille au caraco rouge boit le vin blanc et le caraco rouge. Pourquoi donc ne le boirait-elle pas, puisque le Saint-Père ne s'en prive guère? Pourquoi donc ne le boirait-elle pas, puisque le Saint-Père ne s'en prive pas? Puisque le Saint-Père ne s'en prive pas. La papille au caraco rouge boit le vin blanc et ne crache pas sur rouge. Pourquoi donc ne le boirait-elle pas, puisque le Saint-Père ne s'en prive guère? Pourquoi donc ne le boirait-elle pas, puisque le Saint-Père ne s'en prive pas? La papille au caraco rouge boit le vin blanc et ne crache pas sur rouge. Pourquoi donc ne le boirait-elle pas, puisque le Saint-Père ne s'en prive guère? Pourquoi donc ne le boirait-elle pas, puisque le Saint-Père ne s'en prive pas? Les trois gars que l'on met faire, il y en a deux que ne l'ont pas. Elle est belle, elle est gentille, elle n'ont pas pour vous les gars. Les gars chez nous le dimanche que la semaine, ne font qu'à l'heure le femelle de 20 ans. Quand ça les plante, ça les teint, ça les mène, quand ça les plante, ça les teint pour longtemps. Si le mec ou je vous le paie, il n'y a pas pour son agrément. Sauf pour elle, voilà tout faire, que Monroe l'a dit tranchant. Allez donc, lève donc la gigue, allez donc, lève donc plus haut. Allez donc, lève donc la gigue, allez donc, lève donc plus haut. Mon grand-père, mes grand-mères, un beau jour se sont battus. Mes grand-mères étaient plus fortes et foutues des blessures que. En gigoignant, gigoignant de l'écurche, en gigoignant, gigoignant de genoux. En gigoignant, gigoignant de l'écurche, en gigoignant, gigoignant de genoux. Y'a les filles de la manière que dansons de vous les gars. Elle les bagues, c'est jetière que tu n'as pas. En gigoignant, gigoignant de l'écurche, en gigoignant, gigoignant de genoux. En gigoignant, gigoignant de l'écurche, en gigoignant, gigoignant de genoux. Allez, donc, lève, donc, la gigue, allez, donc, lève, donc, plus haut. Allez, donc, lève, donc, la gigue.